je passais toute ma nuit chez Marthe. La rumeur me l'attribua même comme maîtresse, bien avant la réalité. Les menaces du propriétaire, quelques rumeurs, me donnaient tous lieu de craindre et d'espérer à la fois une explication entre Marthe et Jacques. Marthe m'avait supplié de venir la voir souvent, pendant la permission de Jacques, à qui elle avait déjà parlé de moi. Je refusais, redoutant de mal jouer mon rôle et de voir Marthe avec un homme empressé auprès d'elle. Décidément, j'avais encore fort à faire pour devenir un homme. Je n'écrivais pas à Marthe. Il y avait tout de même trop de risques. J'avais profité de la permission de Jacques, de mes longues heures de présence, pour faire croire chez moi que je me détachais de Marthe. Je revis aussi René, renvoyé de Henri IV. Il allait à Louis-le-Grand. Je l'ai cherché tous les soirs, après la grande chaumière. Nous nous fréquentions en cachette. Et je commençais à m'endormir sur l'amour de Marthe. Ce qui me tourmentait le plus, c'était le jeûne infligé à mes sens. De ce fait, il accepte de séduire la maîtresse de René, qui veut tester la fidélité de celle-ci. Elle me fait des avances si promptes que la timidité, qui empêche certaines choses et oblige à d'autres, m'empêcha de respecter René et Marthe. Du moins, espérais-je y trouver du plaisir. Mais j'étais, comme le fumeur, habitué à une seule marque. Il ne me resta donc que le remords d'avoir trompé René, à qui je jurais que sa maîtresse repoussait toute avance. Vis-à-vis de Marthe, je n'éprouvais aucun remords. Je m'y forçais. J'avais beau me dire que je ne lui pardonnerais jamais si elle me trompait, je n'y pus rien.